Chapitre 50e. Mes chers amis, devenus mes confidents, malgré mon aversion pour les confidences, venez à mon secours. Je perds positivement la tête, et si quelqu'un de vous croit pouvoir inférer de là que je n'ai pas la tête solide, qu'il se mette à ma place. Du reste, si vous avez quelque compassion pour un pauvre solitaire aux abois, vous partirez au reçu de cette lettre, et vous verrez vous-même s'il existe sous le ciel un homme plus embarrassé que moi. Je crois vous avoir dit dans ma dernière lettre que mon lutin domestique avait desserré les dents à seule fin de me défendre d'aller à la chasse. Depuis, j'ai vainement allégué que le poil n'était pas de la plume, disant que je respecterais les petits oiseaux, mais que je voudrais bien essayer de terrien lièvre, poil ou plume, pour elle laisser tout un. Et les lièvres de la steppe sont désormais assurés d'une longévité fabuleuse, à moins que je ne leur tende des collets. Mais que faire d'un lièvre si on ne le mange? Et voyez-vous de quel œil mon gibier serait accueilli au logis? Je frémis rien que d'y penser. Mon kobold sait lire et écrire. Elle a même des notions plus bizarres qu'étendues sur ce qu'on appelle communément, et je ne sais pourquoi, l'histoire sainte. Car, assurément, rien n'est moins saint, et si... Mais ceci nous écarterait de mon sujet. Elle n'est pas sûre que les Juifs et les Israélites soient le même peuple. Mais en revanche, elle connaît fort bien l'histoire de Joseph. Et l'autre jour, quand j'insinuais que le lièvre est excellent accommodé à la craie maigre, elle m'a dit que j'étais aussi barbare que les frères de ce patriarche. Je crois que pour m'imposer plus de respect, elle avait fait appel à toutes ses connaissances. Mais il n'en est pas moins acquis que cette muse champêtre a quelques teintures de ce qu'on est convenu d'appeler l'indispensable. Or, l'autre jour, j'étais allé rôder dans la steppe, comme les Parisiens vont au bois de Boulogne, absolument. C'est le nec plus ultra de mes mondanités, mais le soleil me grillait si bien que j'entrais à l'improviste. En pénétrant dans ma chambre, la plus fraîche de la maison, qu'aperçois-je, cette fille extraordinaire, assise par terre, presque pliée en deux sur ses genoux par son extrême attention, lisant dans mon Lermontov la triste histoire de Bella. À ma vue, elle bondit sur ses pieds comme un enfant pris en flagrant délit de désobéissance, et se dirigeait vers la porte avec mon livre, quand elle eut un remords. Bien que ses idées sur la propriété soient aussi bizarres que le reste de son éducation, elle l'a bien prouvé, la malheureuse. Il faut croire que mes livres sont à moi, plus à moi que ma maison, à coup sûr. Car arrivée sur le seuil, elle se retourna avec un joli geste d'enfant contraint à une politesse ennuyeuse. « Puis-je l'emporter ?» me dit-elle, en désignant le volume. « Certainement, mademoiselle, » répondis-je avec un grand salut. Elle me fit un signe de tête fort noble, qui signifiait vraisemblablement merci, et disparut. J'eus la curiosité de la suivre pour voir ce qu'elle ferait de son butin. Elle s'était réfugiée dans un berceau de vigne vierge à l'extrémité du jardin, et assise par terre. C'est sa posture favorite. Elle dévorait le roman. De grosses larmes coulaient sur son visage sans qu'elle y prît garde, et je la vis se prendre la tête dans les deux mains en sanglotant. Elle avait fini son chapitre. Elle pleurait si fort que je me fis un cas de conscience de la laisser se désoler ainsi. Je m'approchai avec toutes les précautions possibles et de ma plus douce voix. « Ne pleurez pas, Mouza, » lui dis-je, « ce n'est pas arrivé. » Elle me regarda au travers de ses cheveux ébouriffés. « Mes amis, si vous saviez comme elle était jolie. »« Ce n'est pas arrivé, » repris-je. « C'est une histoire qu'on a inventée. »« Ce n'est pas vrai, » répondit aussitôt cette naïve. « C'est vous qui inventez cela maintenant. » Et on l'a tué, cette pauvre Bella, et d'un coup de poignard, oh, les méchants. Et lui, il ne l'aimait pas, ce Pechorin. C'était aussi un méchant. Elle parlait, toute seule. L'occasion était trop belle, et j'en profitais pour faire à Mouza un cours abrégé de la littérature de notre pays. Elle m'écoutait avec un dédain qui m'apprit clairement combien toutes ces choses lui étaient indifférentes. Quand, à bout d'éloquence, j'ai fini de parler, elle se leva, repoussa ses cheveux, et voulut s'en aller avec le livre. J'étendis la main. « Je l'emporte, » dit-elle. « Vous me l'avez donné. » Pour finir l'histoire de Bella seulement, et elle est finie, rendez-moi le livre, le reste n'est pas intéressant. Elle hésita, et je crus un moment qu'elle allait s'enfuir avec mon petit volume, auquel cas j'aurais été forcé de renoncer à la rattraper. Mais elle se soumit pour la première fois de sa vie, je pense, et bien à regret, elle remit son trésor dans ma main. « Je sais beaucoup d'histoires, lui dis-je. Je pourrais vous les raconter. Mais vous me détestez, vous ne voulez jamais me parler. » Elle me jeta un regard où la confusion, le reproche, la curiosité et quelque chose d'autre, encore de très fugitif et de très doux, se mêlaient étrangement, et elle baissa la tête. Ceci était une victoire. Je me retirai majestueusement, emportant mon trophée. Le soir, après dîner, au lieu de se retirer comme elle le faisait tous les jours, quand elle avait grignoté quelques fruits, elle se leva lentement, fit quelques tours dans la chambre, donna mystérieusement un ordre à la servante, qui l'instant d'après m'apporta tout mon attirail de fumeur, prévenance aussi délicate qu'inusitée, et finit par se rasseoir à sa place en face de moi. Je fumais en silence. Elle étouffait de temps en temps un petit soupir d'impatience. Enfin, voyant que j'étais aussi impassible qu'un sphinx de granit, elle me dit, d'une voix enchanteresse, « Racontez-moi une histoire. » Et depuis ce temps-là, mes amis, je lui raconte des histoires, tout le jour. Elle m'accompagne dans mes courses, me prépare des cigarettes, m'interroge beaucoup, me répond le moins possible, et évidemment m'envisage sous le jour nouveau d'une encyclopédie portative, facile à consulter en voyage, comme disent les prospectus d'encyclopédie en deux volumes où l'on ne trouve jamais ce qu'on cherche. Ce rôle de dictionnaire Larousse est charmant et périlleux. Moussa est extraordinairement jolie, presque plus jolie encore que peu civilisée. Elle ne s'en doute pas. Elle a l'air d'avoir pour moi une sorte d'amitié, comme pour un vieux cheval hors d'âge auquel on aurait donné ses invalides. Et moi, je ne suis pas né pour ce rôle d'instituteur de demoiselle. Je ne sais plus que faire. Hier, j'ai parlé de faire un voyage à Moscou pour aller chercher tous mes violons commencés et rester en route. Elle a commencé par me bouder, et le soir, je me suis aperçu qu'elle avait pleuré. Mes amis, mes chers amis, venez me tirer d'ici. Et puisque vos dames sont douces et complaisantes, conjurez-les de venir avec vous pour tâcher d'emmener Moussa dans quelque pensionnat, n'importe où. Cette vie n'est plus tenable. Et je suis un grand fou de n'avoir pas compris dès le commencement ce qui devait inévitablement arriver. Répondez-moi poste pour poste avec quelques conseils, en attendant votre venue, qui vaudra mieux que tout le reste. Votre ami bien empêché, André Ladoff. Demian était seul quand cette lettre parvint à Piatigorsk. Il la lut, et la relut deux ou trois fois attentivement, puis se mit à arpenter le salon. Hélène était sortie avec sa mère pour faire quelques emplettes, et Victor s'occupait activement des préparatifs du départ. Après quelques instants de réflexion, il s'assit à son bureau, écrivit sur une feuille de papier « Si tu veux être heureux et sans reproche, épouse-la, ton ami, Demian. » Après quoi il cacheta la lettre et reprit sa promenade. La mort du prince avait retardé leur projet de voyage immédiat. Raben, qui était venu l'annoncer le jour même au jeune artiste, lui avait conseillé d'attendre quelques jours. « Vous avez été bien reçu dans la maison, » dit le diplomate d'un air bienveillant. « Le prince vous témoignait beaucoup d'amitié. Il convient que vous assistiez au service funèbre qui aura lieu ici avant la translation des restes de ce pauvre ami dans la chapelle où reposent tous les membres de sa famille, dans sa terre des environs de Moscou. » C'est ainsi qu'en mémoire de l'amitié du prince pour lui, il fallait être Raben pour inventer cette amitié-là, Demian s'était fait inscrire chez la princesse, avait assisté aux prières d'usage dans le salon tendu de noir et transformé en chapelle ardente. Il avait vu là, pendant ses prières qui durent des heures, Cléopâtre plus belle que jamais, dans ses longs voiles de crêpe, s'incliner et se prosterner avec toute la dignité d'une veuve qui a rempli son devoir jusqu'au bout. Cette nuit d'angoisse l'avait changé. Son teint avait bruni, ses yeux s'étaient creusés, sa beauté sculpturale semblait affinée par la douleur. Les gens qui l'entouraient s'étonnaient des ravages qu'avait causé une perte si peu importante aux yeux de tous. Le prince n'était pas assez intéressant pour motiver tant de regrets. Et si Cléopâtre n'eût pas gardé un maintien si irréprochable qu'on ne pouvait l'accuser d'afficher son désespoir, on l'eût peut-être taxée de comédienne maladroite. Mais elle ne parlait pas de sa perte. Sa froide hautaine ne permettait ni les allusions, ni les consolations. Et ce qu'elle éprouvait intérieurement restait son secret à elle seule. Elle était frappée, comme disent les bonnes gens. La mort de son fétiche coïncidant avec la rébellion de Demian lui avait paru un arrêt du destin. Sans se demander pourquoi elle avait mérité d'être châtiée, plutôt cette fois que tant d'autres, elle avait courbé la tête, acceptant ce hasard comme un châtiment. Et pour cette âme orgueilleuse, rien n'était plus terrible que de se soumettre. Elle vit Demian, le salua, comme les autres, sans lui parler. Elle ne parlait à personne, sauf à Rabben, qui s'était chargé tout naturellement de la partie matérielle des embarras qui suivent de tels événements. Demian, lui, en s'inclinant devant cette veuve de la veille, ne sentit rien frissonner en lui de ce qui jadis le jetait hors de lui-même. La princesse était châtiée par lui-même et par le sort. Il était satisfait, et même, il lui avait pardonné. Maintenant, il était sûr de ne l'avoir jamais aimée, car on ne se guérit pas ainsi d'un véritable amour blessé. Une seule fois, il fut troublé d'une émotion passagère. Le jour désigné pour la levée du corps, un service magnifique eut lieu à l'église. Il y assistait avec toute la ville, et derrière lui, au moment où Rabben donnait ses ordres au porteur, il entendit ces paroles. « Le comte se donne beaucoup de mal. Que voulez-vous ? C'est assez naturel. Quand on va emménager dans une maison, d'aider à déménager ceux qui cèdent la place. Alors, elle l'épousera ? » ?»« C'est indiqué. Il y a 10 ans qu'on le dit à Moscou et même à la cour. On lui donnera une ambassade. » Demian avait tressailli à l'idée de voir Rabben prendre la place qu'il occupait lui-même si peu de temps auparavant. La pensée que ce n'était pas sa place, mais celle du prince que prendrait le futur ambassadeur, lui fit hausser les épaules avec un sourire de pitié. 8 jours à peine s'étaient écoulés depuis ces événements. La princesse était partie, accompagnant le corps de son époux. Si les autorités avaient pu lui permettre de le voiturer partout avec elle pendant le reste de ses jours, elle eût accepté avec joie, afin de ne pas se séparer de ce qui lui restait de son talisman. Cette femme, qui ne redoutait rien, avait une peur maladive de ce qui lui arriverait quand la dalle sépulcrale serait scellée sur le corps de son mari. Rabben était resté pour ne pas afficher un empressement de mauvais goût, mais il allait quitter Piatigorsk et arriverait à Moscou en même temps que la princesse, qui voyageait à petite journée. Nos amis, que rien ne retenait, avaient perdu du temps grâce à la mollesse de Madame Mianoff, et c'est le lendemain seulement qu'ils devaient quitter cette ville. Demian, tout en songeant à la lettre de Ladov, se rappelait tant d'émotions diverses et comparait mentalement la vie qu'il avait menée avec celle de son ami. André fera-t-il comme il avait failli le faire lui-même? Passerait-il auprès du bonheur sans le connaître, préoccupé qu'il était d'autres rêves, d'autres chimères? Cette jeune fille dont il lui parlait était imparfaite sans doute, sauvage, fantasque, mais elle était bonne et tendre aux faibles et aux petits. Elle était intelligente. Que ne pouvait-on pas faire d'une enfant de 16 ans, douée de tant de qualités, à côté de ses défauts? Les défauts, qu'importe. Demian avait bien ses défauts, il le reconnaissait maintenant. Il s'en trouvait même plus qu'il n'en avait réellement. Et n'espérait-il pas cependant qu'Hélène le prendrait un jour à merci? Comme conclusion de ses méditations, il prit la lettre et la porta à la poste. Comme il rentrait, il entendit la voix de Victor aux dames. « Demain, à 8 heures du matin. » « Déjà, » fit Hélène avec un peu de regret. « Est-ce que vous voudriez rester encore ?»« Non, oh non, mais nous allons quitter Madame Moutine, et cela me fait beaucoup de chagrin. » Demian n'entendit pas la réponse de son frère, car elle fut chuchotée à l'oreille d'Hélène, qui devait seule l'entendre. « À moi aussi, cela me fait du chagrin, plus que vous ne croyez peut-être, mais j'ai une consolation, c'est que je vous emmène. » Elle sourit et regarda Victor d'un air de doute. « Tant de chagrin, » dit-elle. « Je ne savais pas que vous fussiez un si grand ami de Madame Moutine. Elle est bonne pour tous, mais... » Victor hésita un instant. Puis, une pensée de sacrifice s'éleva dans son cœur, et il se décida soudain à mettre entre Hélène et lui une barrière infranchissable. Ils étaient seuls, car Demian causait avec Madame Mianoff au bas de l'escalier. « Au risque de vous sembler ridicule, » dit-il, « je vais vous confier le secret de ma vie. » Un pauvre bossu peut aimer aussi, pourvu qu'il garde son amour pour lui seul. Madame Moutine, bien avant son mariage, a été l'étoile de ma vie. Elle restera pour moi l'idéal de la femme. Je vous ai aimé tout de suite, ma sœur Hélène, parce que vous lui ressemblez. Et maintenant, excusez-moi d'avoir eu la folie d'aimer et la vanité de vous le dire. » Hélène tendit la main à Victor avec un mélange de compassion et de tendresse. Malgré la charité de son âme, elle ne pouvait s'empêcher de trouver qu'en effet, aimer était une folie, quand on avait si peu de chances de se faire aimer. Mais elle ne traduisit point sa pensée. Victor, heureux du subterfuge qui mettait à l'abri de tout soupçon, le dévouement entier qu'il pourrait désormais offrir à sa sœur Hélène, sentit l'amertume du sacrifice en même temps que sa douceur. Mais il avait bien fait, et ne voulut point s'en repentir.